الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ما بعد. Donc toujours dans le livre تيسير العلام شرح عمدة الأحكام, un livre de l'imam عبد الغني المقدسي, une explication de Sheikh عبد الله البسام رحمه الله تعالى, qui nous récite les hadiths. Déjà, il y a un hadith qu'on devait réciter la semaine dernière, il y a deux semaines plutôt. C'était lequel déjà? C'est ça qui devait l'apprendre. C'était lequel? Hadith de Anas, non, fi l'istisqa. Taïb. Hafid Taour? Tfadala. كان نحو بيت دار القضاء ورسول الله صلى الله عليه وسلم أخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم قال يا رسول الله انقضت الأموال هلكت الأموال وانقضت السبل فادعوا الله بكم قال فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا قال أنس بن مالك رضي الله عنه ألا والله ما نرى في السماء من سحابي ولا من قزعة ولا قزعة وبيننا وبين سلع من بيت ودار نعم قال فطلعت من ورائي سحابة فطلعت من ورائي حالتي مثل الترس نعم فلما توسطت السماء فانتشرت ثم انطرت قال فلا والله ما رأينا الشمس ستر من ذلك الباب ثم دخل رجل من ذلك الباب ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائما يخطب فاستقبله فقال استقبله قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكها عنا قال رفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال اللهم حولينا ولا علينا اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس أحسن بارك الله فيك. طيب الحديث كنا في la semaine dernière dans la prière de la peur, le hadith d'Abdullah ibn Omar, qui nous le récite, c'est le plus court. تفضل. صلى بالذين معه ركعة ثم ذهبوا وجاء الآخرون فصلى بهم ركعة فقالت الطائفتان ركعة ركعة حسن رواه البخاري ومسلم بارك الله فيك. في حديث يزيد بن رومان الصريح بن خوات كي نو ريسيت qui nous le récite. D'accord? Yo? Personne? Mohamed? Donc inutile de demander le hadith de Jabir. Taïb, qui nous l'apprend pour dans deux semaines, ce hadith là? Yoro, t'apprends lequel? Tu es Jabir, Taïb. Et l'autre, qui nous l'apprend pour dans deux semaines? Non. Taïb, Inch'Allah. On continue, Inch'Allah. Comme on a vu la semaine dernière, on entame aujourd'hui le chapitre, le livre des funérailles. Kitab al-Janaïs. Al-Janaïs, jam'u janaza bil-fath, wal-kasri afsah. Ismun yutlaqu ala al-mayyit wa ala al-sarir ma'a al-mayyit. Walil-mayyit ahkamun kathira. Dhakaru huna minha. الصلاة وما يتعلق بها من التغسيل والتكفين والدفن وغير ذلك أما الحقوق المالية فتأتي في الوصايا والفرائض بما أن الكتاب مختصر فإن المصنف لم يأتي بكل ما تدعو الحاجة إليه من الأحاديث المتعلقة بالميت ولذا فإننا نذكر نبذة من الفوائد التي صحت بها الأحاديث. Al-Janaiz, qui est le pluriel de Janazah. Et le mieux est de dire Jinaza. En littéralement parlant, il est plus arabe de dire Jinaza que Janaza. Et Al-Janaza ou Al-Jinaza, c'est un nom qui est donné aux morts, qui signifie le mort, ou qui veut dire par là As-sarir ma' al-mayyit, c'est comment on dit ce qui est utilisé pour porter le mort, un brancard, on peut dire un brancard avec le mort. Et lorsque l'on dit janaza funérailles, cela signifie le mort, mais cela signifie aussi le brancard sur lequel le mort reposé. Et il y a beaucoup de jugements en rapport avec le défunt. L'auteur a cité dans ce livre, Umdatul Ahkam, ce qui est en rapport avec la prière funéraire, ce qui est en rapport avec le lavage du mort, le fait de le recouvrir de linceul, l'enterrement et autres. Quant au droit financier ou quant à ce qui est en rapport avec les biens du défunt, ceci sera traité dans le chapitre des testaments et du chapitre de l'héritage. Et parce que le livre est résumé à la base, parce que c'est un livre court, l'auteur n'a pas cité tout ce dont l'on a besoin, tous les hadiths en rapport avec le défunt. C'est pour cela que nous citerons un certain nombre de points qui sont basés et qui sont issus de hadiths authentiques. Donc ici, le Cheikh Al-Bassam dit que l'imam Abdul Ghani Al-Maqdisi, l'auteur de Umdat Al-Ahkam, son livre, à la base, est un livre court. Donc, il n'a pas pu citer tous les hadiths dont on a besoin pour connaître l'ensemble des jugements relatifs aux défunts et à tout ce qui a trait. C'est pour cela que Cheikh Al-Bassam dit que dans les jugements ou dans ce qu'il faut retenir des hadiths, il rajoutera des points qui sont bien sûr issus de hadiths authentiques. « فَمِنْ حَقِّ الْمَرِيضِ عَلَى إِخْوَانِهِ الْمُسْلِمِينَ عِيَادَتُهُ وَإِدْخَالُ السُّرُورِ عَلَيْهِ فإذا كان في حال خطرة يذكر بالتوبة وقضاء الديون والوصية لا سيما فيما يجب عليه بيانه ويكون ذلك بلطف لا يشعر لا يشعر معه لا يشعر معه بالخوف من دنو أجله ويتأكد على المريض ذلك وأن يخرج من المظالم ويستغفر عن المعاصي وأن يحسن ظنه بالله تعالى فإذا حضره الموت سن لمن حضره تلقينه الشهادتين بلطف وتوجيهه إلى القبلة فإذا مات غمضت عيناه ولينت مفاصله وأسرع بتجهيزه ما لم يكن في تأخيره مصلحة. Parmi les droits du malade vis-à-vis de ses frères musulmans, c'est le fait qu'ils se doivent de lui rendre visite et de faire pénétrer la joie dans son cœur. Donc, parmi les droits du malade vis-à-vis de ses frères musulmans, c'est que ces derniers se doivent de lui rendre visite et d'entrer la joie dans le cœur du malade. Si ce malade est dans une situation critique, alors on doit lui rappeler le repentir et on doit lui rappeler le remboursement de ses dettes, l'écriture de son testament. Et ceci doit être fait avec douceur et gentillesse. Le malade ne doit pas ressentir dans ses conseils qui lui sont dirigés de peur, il ne doit pas ressentir la peur qu'il va bientôt mourir. De le conseiller également de sortir de toute forme d'offense et de demander le pardon à Allah subhanahu wa ta'ala concernant les péchés qu'il a commis dans sa vie et de penser du bien d'Allah, d'avoir le beau soupçon envers Allah. Et lorsque la mort approche, il est demandé à ceux qui sont présents autour du malade, autour du mourant, de lui faire répéter les deux attestations. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah. Et de le diriger en direction de la Qibla. Et lorsqu'il meurt, ses yeux doivent être fermés, ses articulations doivent être tendues, et on se doit de nous empresser à appliquer et à faire ses funérailles tant qu'il n'y a pas dans le retardement de ses funérailles un bien. وتغسيل الميت وتكفينه وحمله والصلاة عليه ودفنه فروض كفاية إذا قام بها من يكفي تسقط عن الباقين شأن كل فرض كفاية فإن ترك صار الإثم على من علم حاله وقدر على ذلك ثم تركه. Le fait de laver le mort, de lui mettre son linceul, de le porter, c'est-à-dire vers sa tombe, de prier sur lui, de l'enterrer, tout ceci font partie des furud kifaya, c'est-à-dire des obligations qui incombent à une partie des musulmans. Si cette partie des musulmans met en pratique ces choses, eh bien l'obligation est levée pour le reste des musulmans, comme cela est le cas pour tout ce qui est considéré comme un fard kifaya. Par contre, si ces choses sont délaissées, alors le péché retombe sur celui qui connaissait la situation de ce défunt et qui avait la possibilité de faire ces choses, puis la délaisser. Donc tout ce qu'a cité le Cheikh, rahimahullah, savoir laver le mort, lui mettre son linceul, le porter, prier sur lui, l'enterrer, si cela n'est fait par aucun musulman, si cela est fait par une partie des musulmans, le reste n'ont rien à faire. Si cela n'a été fait par personne, alors le mal, le péché, revient à celui qui connaissait la situation de ce défunt, qui avait la possibilité de le laver, de prier sur lui, de lui mettre le linceul, etc., etc., puis ne l'a pas fait. وصفة الصلاة عليه أربع تكبيرات بعد الأولى الفاتحة وبعد الثانية الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وبعد الثالثة الدعاء للميت وبعد الرابعة سكتة لطيفة ثم السلام. قال شيخ الإسلام الذي ثبت في السنن عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يقوم على قبر الرجل من أصحابه إذا دفن ويقول سلوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، وقد ثبت أن المقبور يسأل ويمتحن وأنه يؤمر بالدعاء له. La description de la prière, c'est-à-dire la prière funéraire, est ainsi. C'est une prière qui est composée de quatre takbirs. Après le premier takbir, l'on récite Surat al-Fatiha. Après le deuxième takbir, l'on prie sur le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Après le troisième takbir, l'on invoque en faveur du défunt. Et après le quatrième takbir, l'on observe un petit silence, puis on procède au salam. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a dit, ce qui est rapporté dans les sunan d'après le prophète sallallahu alayhi wa sallam est qu'il restait debout à proximité de la tombe de son compagnon qui venait d'être enterré. Et il disait, demandez à Allah de le raffermir, car il est actuellement en train d'être questionné. Et ceci est le cas pour toute personne qui est enterrée. Elle sera questionnée et elle aura un examen à passer. Et l'on se doit d'invoquer Allah subhanahu wa ta'ala en faveur de cette personne qui vient d'être enterrée. ثم قال المؤلف رحمه الله باب في الصلاة على الغائب وعلى القبر. Le chapitre de la prière sur l'absent et au pied de la tombe. الحديث الثاني والخمسون بعد المئة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال نعى النبي صلى الله عليه وسلم النجاشي في اليوم الذي مات فيه وخرج إلى المصلى فصف بهم وكبر أربعا رواه البخاري ومسلم. الحديث الثالث والخمسون بعد المئة. عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى على النجاشي فكنت في الصف الثاني أو الثالث رواه البخاري. Le 152e حديث. Selon أبو هريرة رضي الله عنه dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé de la mort du négus le jour même où il est décédé. Il est sorti vers al-musalla, vers l'endroit de prière, et ses compagnons ont fait des rangs et il a fait quatre takbir. Rapporté par al-Bukhari et Muslim. Le 153e hadith, selon Jabir radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur un najashi, sur le négus. Et j'étais dans le deuxième ou troisième rang. Rapporté par al-Bukhari. Al-Gharib. Na'ahu yan'ahu bifathi awwalihi. Wa na'yu l'ikhbaru bil-maut. Thanyin al-najashi bifathi nouni ala al-mashhur. قال في النهاية والصواب تخفيف الياء اسمه أصحمة توفي في رجب سنة 90 رضي الله عنه. Les termes qui méritent explication dans le hadith. Na'a qui signifie l'annonce de la mort. Na'a yan'ahu. Na'ahu yan'ahu. Al-ikhbaru bil-maut. C'est le fait d'annoncer la mort. Donc ici, lorsque Abu Huraira radiallahu anhu a dit Na'a Rasulullah, Na'a Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a annoncé la mort. Al-Najashi, le négus en fait, ce sont tous les gouverneurs d'Abyssinie. Quand on dit Al-Najashi, ce sont tous les gouverneurs d'Abyssinie. Comme quand on dit Al-Fara'ina, les pharaons. Les pharaons, ce sont les gouverneurs d'Égypte, les rois d'Égypte, ce n'est pas une personne en particulier, d'accord. Et le nom de Najashi, du négus, sur lequel a prié le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui est As-Hamah. As-Hamah, qui est mort le mois de Rajab de la 9e année de l'Hégire, radiyallahu ta'ala anha. Donc Allah l'agrée. Al-Ma'na al-Ijmali. النجاشي ملك الحبشة له يد كريمة على المهاجرين إليه من الصحابة حين ضيقت عليهم قريش في مكة ولم يسلم أهل المدينة بعد فأكرم وفادتهم ثم قاده حسن نيته واتباعه الحق وطرحه الكبرى إلى أن أسلم فمات بأرضه ولم يرى النبي صلى الله عليه وسلم فلإحسانه إلى المسلمين وكبر مقامه وكونه بأرض لم يصلى عليه فيها أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه بموته في ذلك اليوم الذي مات فيه وخرج بهم إلى المصلى فصف بهم وكبر عليه 4 تكبيرات شفاعة له عند الله تعالى. Le sens général du hadith. An-Najashi, qui est le roi d'Abyssinie, qui a été généreux envers les émigrants parmi les compagnons, radiyallahu anhum. Car vous savez que la première émigration a eu lieu vers l'Abyssinie. Lorsque les polythéistes ont réprimandé les musulmans à la Mecque, les gens de Médine également n'ont pas été épargnés. Ainsi, An-Najashi a été généreux envers les musulmans et il a été juste envers eux. Puis, sa bonne intention, son suivi de la religion et son rejet de l'orgueil l'a amené à se convertir. Il est mort dans ses terres. Il n'a pas vu le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parce qu'il a été bienfaisant envers les musulmans, et parce qu'il avait une immense place, et parce qu'il est mort dans une terre dans laquelle l'on n'a pas prié sur lui, il est mort dans une terre chrétienne, et son peuple était chrétien. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a informé ses compagnons de sa mort le jour même de sa mort. Il est sorti à Al-Musalla. Et on a vu dans les cours précédents qu'il y avait une Musalla qui était réservée aux prières funéraires. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti dans ce lieu de prière. Il a fait des rangs et il a fait 4 takbirat. Il a prié sur le négus, la prière de l'absent. Ceci en guise d'intercession pour lui auprès d'Allah. En guise d'intercession pour le négus, pour An-Najashi, auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. اختلاف العلماء. اختلاف العلماء في الصلاة على الغائب. ذهب أبو حنيفة ومالك إلى أنها لا تشرع. وجوابهم على هذه الأحاديث أنها خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. وذهب الشافعي وذلك المشهور عند أصحاب الإمام أحمد إلى أنها مشروعة لهذه الأحاديث الصحيحة والخصوصية تحتاج إلى دليل وليس هنا دليل. وتوسط شيخ الإسلام ابن تيمية فقال إذا كان الغائب لم يصلى عليه صلي عليه كهذه القضية وإن كان قد صلي عليه فقد سقط الفرض بذلك عن المسلمين وهو مروي عن الإمام أحمد وصححه ابن القيم في الهدي لأنه توفي في زمن النبي صلى الله عليه وسلم أناس من أصحابه غائبين ولم يثبت أنه صلى على أحد منهم ونقل شيخ الإسلام ابن تيمية عن الإمام أحمد أنه قال إذا مات رجل صالح صلي عليه واحتج بقضية النجاشي وقد رجح هذا التفصيل شيخنا عبد الرحمن السعدي وعليه العمل في نجد فإنهم يصلون على من له فضل على المسلمين ويتركون من عداه وقال ابن القيم الصح الأقوال هذا التفصيل. Donc la divergence des savants. Les savants ont divergé sur la prière de l'absent. L'imam Abu Hanifa et l'imam Malik considèrent qu'elle n'est pas légiférée. Et leur réponse à ce hadith, ces hadiths de Jabir et de Abu Huraira radiallahu anhuma, et que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et l'imam Shafi'i, et c'est le plus connu chez les compagnons de l'imam Ahmed, que cette prière de l'absent est légiférée. Ils ont pour preuve les hadiths que l'on explique actuellement, et ils disent que le fait que cela est propre au prophète sallallahu alayhi wa sallam demande une preuve, et il n'y a pas de preuve qui le justifie. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah a un avis intermédiaire qui est de dire si l'absent, si l'on n'a pas prié sur l'absent, alors l'on prie sur lui comme cela a été fait dans ces hadiths. Mais si la prière funéraire a déjà été accomplie sur cette personne absente, alors l'obligation est levée pour les autres musulmans. Et c'est ce qui est rapporté également par l'imam Ahmed, et c'est ce qu'a considéré vrai l'imam Ibn al-Qayyim, rahimahullah, car au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, certains de ses compagnons qui étaient absents sont décédés, et il n'a pas été rapporté que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié sur eux. Et Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, un rapport de l'imam Ahmed, qu'il a dit, lorsqu'un homme vertueux meurt, l'ont pris sur lui et il a utilisé pour preuve le hadith de Najashi. Autrement dit, que lorsqu'une personne qui a un mérite, lorsqu'une personne qui a une grande place auprès des musulmans, qu'il est légiféré de prier sur lui la prière de l'absent, même si on a déjà prié sur lui et ils ont pour preuve le hadith de Najashi. Et c'est l'avis qu'a considéré l'imam As-Sa'di rahimahullah, comme vous le savez, qui est le cheikh de cheikh Abdullah al-Bassam, et il dit, c'est-à-dire cheikh al-Bassam, que c'est ce qui est mis en pratique dans Najd, dans cette région d'Arabie Saoudite. Il prie, c'est-à-dire la prière de l'absent, sur celui qui a un mérite envers les musulmans, et il délaisse la prière de l'absent sur toute autre personne. Et l'imam Ibn al-Qayyim a dit « Assahhu al-aqwali hada al-tafsil » Le plus juste, la plus juste des paroles est cette précision. « Ma yu'khadhu min al-hadith »« Awwalan mashru'iyyatu al-salati ala al-mayyit »« Li'annaha shafa'atun wa du'a'un min ikhwanihi al-musallin » Premièrement, ce que l'on retient de ces hadiths, c'est qu'il est légiféré de prier sur un défunt. Et que cette prière est une forme de demande d'intercession et une invocation venant de ses frères prieurs. ثانيا مشروعية الصلاة على الغائب وتقدم أن الحديث ليس على إطلاقه بل يخص بها من له فضل وإحسان عام على الإسلام والمسلمين. Deuxièmement, qu'il est légiféré de prier sur l'absent. Et on a vu que ce hadith ne doit pas être pris dans sa généralité, mais que cette prière de l'absent concerne ceux qui ont un mérite et une bienfaisance générale envers l'islam et les musulmans. Thalithan, as-salatu 'ala al-mayyit fi musalli al-'id idha kana al-jam'u kathira. Troisièmement, la prière sur le défunt dans la musalla du 'id, de la fête, que ce soit Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, lorsqu'il y a un grand nombre de personnes. Rabi'an, at-takbiru fi salati al-janazati arba' wa taqaddama fi awwal al-bab ma yuqalu ba'da kulli wahidati minhun. Quatrièmement, que le takbir dans la prière funéraire est de 4. Et nous avons vu au début du chapitre ce que l'on doit dire après chacun de ces takbirs. خامساً فضيلة كثرة المصلين وكونهم ثلاثة صفوف لما روى أصحاب السنن أيضا ما من مؤمن يموت فيصلي عليه أمة من المسلمين يبلغون أن يكونوا ثلاثة صفوف إلا غفر له. Cinquièmement, le bien, le mérite d'avoir un grand nombre de prières et le fait qu'il soit constitué de 3 rangs. Et pour preuve, le hadith rapporté par Ashabu Sunan, Sunan Tirmidhi, dans les Sunan de l'imam Abu Daoud, dans le Sunan Ibn Majah, dans lequel le professeur Asselam dit, il n'y a pas un croyant qui meurt, sur lequel prie une communauté des musulmans qui atteigne trois rangs sans qu'il ne lui soit pardonné. Et ce hadith a été jugé faible par Cheikh l'Albani, rahimahullah ta'ala. A été jugé faible par Cheikh l'Albani, rahimahullah. Et d'autres hadiths sont authentiques qui viennent prouver le fait qu'il est légiféré de faire trois rangs derrière le défunt. Mais ce hadith en soi, comme il était rapporté dans les Sunan, Cheikh l'Albani, rahimahullah, le considère faible. Et également dans Ahkam wa Janaiz de Cheikh l'Albani, il cite également le fait qu'il est légiféré de faire trois rangs lorsque l'on prie sur le défunt, en citant un hadith notamment que je n'ai plus en tête. Ceux qui veulent le détail, qu'ils retournent au livre Ahkam wa Janaiz, les règles des funérailles de l'imam Al-Albani rahimahullahu ta'ala. Quant au hadith authentique, dans ce sujet, c'est la parole du prophète sallallahu alayhi wa sallam, ma min rajulin muslimin yamutu fayaqumu ala janazatihi 40 rajulan la yushrikuna billahi shay'an illa shafa'ahumullahu fihi. Il n'y a pas un homme musulman qui meurt et sur lequel prient 40 hommes qui n'associent rien à Allah sans qu'Allah accepte leur intercession vis-à-vis de lui. Dans un autre hadith, 100 hommes. Et dans ce hadith, 40. Et la règle et la condition, c'est que aucun de ces hommes n'associe une autre divinité à Allah. La yushrikuna billahi shay'an. Et là, on voit encore le mérite du tawhid et les dégâts du shirk. Sadisan. الإخبار بموت الميت للمصلحة في ذلك من تكثير المصلين وإخبار أقاربه فإن ذلك ليس من النعي المنهي عنه في قوله صلى الله عليه وسلم إياكم والنعي فإن النعي عمل الجاهلية وذلك أنهم يأخذون ينادون عليه في المحلات العالية بأنواع المدائح الصحيحة والمكذوبة وفيه مفاسد من وجوه كثيرة. Sixièmement, on le retient de ce hadith qu'il est autorisé d'annoncer la mort du défunt lorsqu'il y a dans cette annonce un bénéfice, comme le fait d'annoncer la mort d'une personne pour que le plus grand nombre de prières assistent à sa prière funéraire, ou bien pour annoncer la mort à ses proches, et que cela ne fait pas partie de l'annonce interdite citée dans la parole du professeur sallam, prenez garde à l'annonce de la mort, car l'annonce de la mort fait partie des actes de la période anté-islamique. Et ce hadith également a été jugé faible par Cheikh l'Albani dans Sahih Targhib wa Tarhib et dans Da'if al-Tirmidhi, mais son sens est vrai. Et le Cheikh explique quelle est la façon par laquelle la mort était annoncée avant la période de l'islam. Il prenait un appeleur qui se rendait dans tous les endroits, les commerces, etc. et criait à haute voix qu'un tel était mort en faisant ses éloges, des fois des éloges qui étaient vrais, des fois des éloges qui étaient mensongères. Et il y a dans cela de nombreux méfaits, comme le dit Cheikh al-Bassam, rahimahullah ta'ala. Donc, d'appeler la mort et d'annoncer la mort de cette façon n'est pas autorisé en islam. D'annoncer la mort est autorisé pour qu'un grand nombre de musulmans prient sur ce défunt et pour annoncer, naturellement, la mort à ses proches éventuels. الحديث الرابع والخمسون بعد المئة. Le 154e hadith.